programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Le plan d'aujourd'hui, il y a assemblage requis. Tania nous livrera un paquet de nouvelles sportives dans Sport et Filoché et on ouvrira des enveloppes de connaissances dans ces deux faits. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 30 janvier 2017, à 87 jours de la fin de l'année scolaire. Autant dire, les studios, c'est fois 3 je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, belle fin de semaine pour toi? Belle fin de semaine quand même plus ou moins relax, je te dirais. Mais on s'est levé avec un dur mal de gorge. Ah, toi c'est le mal de gorge ce matin, moi ouais, c'est le mal de ventre, aujourd'hui. Ah, chacun ses problèmes, hein, c'est ça. Ouais. Hein? Que voulez-vous? J'espère que vous allez bien à la maison, j'espère que vous êtes reposé de votre carnaval de la semaine passée. Eh boy, oui, j'espère. Prêt pour retourner à ce pourquoi vous êtes à l'école, c'est-à-dire les études. Mm-hmm. Voilà. Donc, et non pas l'alcool. C'est ça, exactement. Aujourd'hui à l'émission, on n'a personne, malheureusement, c'est, je le dis très, très peu fréquemment, qu'on a personne aujourd'hui. C'est vrai. Triste. Donc, on a toi, par contre, qui va être là pour nous faire des sports tantôt dans Sport et Filoché. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien évidemment, on va faire le retour sur ce qui s'est passé durant les durant la fin de semaine, peut-être un petit peu plus loin aussi que la fin de semaine, mais on le sait, c'était une très grosse fin de semaine du côté des Patriotes. Il y avait plusieurs athlètes qui étaient en action en fin de semaine dans différents sports, que ce soit en hockey, en natation ou encore en cheerleading. Donc, on va faire le point sur tout ce qui s'est passé et bien évidemment, on va aller faire un petit tour aussi du côté du hockey local, c'est-à-dire le Blizzard de Trois-Rivières. J'espère bien. J'espère. OK, oui. C'est pareil, filoché vers les 8h30, on aussi en fin d'émission, les instructions d'assemblage. On va débuter avec C'est un fait dans quelques instants. Mais ça avance une pièce musicale, déjà qu'on vient d'en entendre trois de suite en nos deux cas horaires. Ah, c'est comme mais ça. Mais bon, le temps de placer les choses, hein, c'est comme ça, on peut pas passer par-dessus. Donc voici Osterpies sur le palmarès anglophone. C'est Thinking Stop Thinking à Assemblage Rocky. Tout de suite. Stop with us. King, Stop Thinking Strappies dans l'assemblage requis ce matin. Hey, ça c'était bon ça. Oui. Je m'étonne pas cette chanson-là, on dirait. Pourquoi? Elle a une ambiance que j'aime bien. Oui, oui, oui, elle est très bonne. Elle me rend confortable. Voilà. Mm-hmm. Toujours, c'est toujours bon d'être confortable pour pouvoir mieux assimiler l'information qui essaie d'entrer dans notre cerveau. Mm-hmm. Tu vois, genre, voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. T'as fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, T'as fait. Voilà. Non? Oui. C'est le nouveau nom. Nouvelle version. De cette chronique-là, t'as fait. Ben oui, c'est parce qu'en fait, j'avais ouvert la page de l'assemblage Reiki avant que tu y mettes les liens. Donc là, je les trouvais pas. Ah, ben oui, c'est drôle. Hein, c'est pourquoi les paroles sont sorties un petit peu plus tard. C'est comme si j'étais allé les mettre tantôt avant que le mal de ventre me pointe. Ah, c'est ça, on dirait. Donc, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Les sources sont sur assemblagerequis.com, tel que mentionné précédemment. Commençons par un artiste des arts martiaux japonais-américain. Donc, une femme, en fait. Okay. Keiko Fukuda. C'est la seule femme de l'histoire à avoir réussi à atteindre le 10e degré de la ceinture noire du judo. Ah, tu connais ça, non? 10e dame de judo? Yo, elle est trop forte! Damn! Elle a reçu cette ceinture noire alors qu'elle avait 97 ans. Elle a continué à enseigner le judo 3 fois par semaine jusqu'à sa mort à 99 ans. Ben non! Je te jure! Est-ce que raconte-nous, c'est quoi, c'est le 10e, damn! Ben, bien évidemment, lorsque tu deviens comme maître judoka, tu as la ceinture noire. Mais pour atteindre le 3e dan, ça peut prendre des décennies! Ben, c'est ça que ça y a pris, oh je pense. Oh my God! Elle avait 97. Elle est forte, elle est forte. Quand même. Ensuite, les chats sont plus heureux, plus en santé lorsqu'on leur donne des puzzles, des casse-têtes alimentaires pour les aider à chasser, pour sortir leur instinct de chasseur. Donc, tu sais, on voit des fois chez des amis, j'ai déjà vu ça, des petits jouets à chats avec leur nourriture dedans, mais dans des. Genre, il y avait des pins, puis des trous, puis des. Tu sais, faut qu'ils passent sa main partout pour essayer de trouver la nourriture. Donc, apparemment, que ça les aide dans leur instinct de chasseur. Ah bon? J'aurais jamais pensé. Ah, mais t'as-tu déjà vu un chat dépressif, toi, dans la vie, de toute façon? Ben, les chats sont tout le temps en train de dormir. Ça ressemble à quelqu'un de dépressif, ça. Ben, c'est un chat. C'est un chat. C'est fait pour dormir. Espèce de chassiste. Il y a une version du lièvre et la tortue. Tu connais le lièvre et la tortue? Le lièvre et la tortue. Oui, où tout le monde meurt dans un feu de forêt parce que la tortue ayant gagné la course et étant donc vue comme étant le plus rapide, se fait donner le travail d'avertir les autres que le feu s'en vient. Finalement, elle réussit pas. Et le feu poigne dans la forêt. Incroyable. Ben voyons donc. Ben ouais. C'est une version un petit peu plus trash que celle qu'on connaît. Ça ressemble au conte de fées de Disney, mais c'est version ça. Frère Grimm, tu sais, les premières. Oui. Il y a un poème qui s'appelle The Chaos, écrit par Gérard Nolste Trinité, qui a été écrit pour montrer la différence de prononciation avec des mots en anglais qui sont éplés de façon similaire et qui riment seulement si vous savez comment les prononcer. Là, le poème est sur assemblagerequis.com. Je vais essayer le début, là. Dearest creature and creation, study English pronunciation. I will teach you in my verse. Sounds like corpse, core, horse, and worse. I will keep you Susie busy, make your head with heat grow dizzy. Et ça continue comme ça, mais donc corpse, C-O-R-P-S-E, core, C-O-R-P-S, on prononce pas le P, horse et worse, où le O est un E. Dans un de mes cours universitaires, on avait dû réciter ce fameux poème-là. C'est quelque chose. Dans un des cours de prononciation, c'était vraiment cool. Il devient de plus en plus difficile. Oui, vraiment. Donc allez le voir et pratiquez-vous si jamais vous connaissez un petit peu l'anglais. Ensuite, il y a plus de restaurants chinois aux États-Unis qu'il y a de McDonald's, de PFK et de Burger King mis ensemble. Bon, ben c'est une bonne chose, non? Tu trouves pas qu'aux Rivières, maintenant, il y a comme trop de restaurants chinois? Ben je sais pas s'ils sont tous chinois. Ben asiatiques. Ouais, vu comme ça. Il y a pas grand variété. Oui. Cambodia? Cambodiana? Oui, exactement. Oui, Express. Cambodiana. Thai Express? Oui. AEW? Non, t'as le truc de sushi dans le milieu, là? Oui, c'est vrai. Man, sushi man. Sushi show. Fait qu'il y en a 4 restaurants asiatiques au Rivière. T'as raison. Ouais, mais c'est bon quand même manger asiatique. Mais calmons-nous la variété, là, un petit peu. Ça coûte pas cher, c'est du riz. C'est ça. Ensuite, le film Willy Wonka and the Chocolate Factory de 1971 a été filmé à Munich, en Allemagne. Les producteurs ont eu de la difficulté à trouver assez de petites personnes pour jouer les Oompa Loompa parce que les nazis en ont tué tout plein à la Deuxième Guerre mondiale. Non. C'est pas cool du tout. Okay, ben là, voyons, c'est quoi cette discrimination envers les Oompa Loompa? Exactement. Ensuite, il y a ça, c'est vraiment fascinant, je trouve. Ça s'appelle Rolling Barrier. C'est une, c'est en fait, c'est sur le côté des routes, on a des garde-fous. Oui. Garde-fous. Donc sur les garde-fous, il y a cette Rolling Barrier. C'est construit par une compagnie de la Corée du Sud. On a installé des rouleaux de plastique, littéralement des petites roues de plastique sur les garde-fous, sur les colonnes de métal, pour s'assurer que les voitures ne revirent pas sur le côté. Oh, OK. Ce qui réduit le dommage potentiel à la voiture et en même temps, secondairement, j'imagine, assure la sécurité des passagers probablement et des chauffeurs. C'est une bonne idée. C'est des roues vraiment comme à l'horizontale, là, comme une machine à boules, je sais pas trop, là. C'est vraiment spécial et c'est orange en plus, donc ça attire le regard. Les lumières, les phares des voitures reflètent là-dessus. Donc, que de bonnes raisons d'installer ces Rolling Barrier. L'auteur William Peter Blatty a déjà gagné 10 000 $ à l'émission de Groucho Marx, You Bet Your Life. Lorsque Groucho, il y a, ça c'est une question, c'est un quiz genre sur est-ce que tu connais ta propre vie? Ah, OK. C'est ça? Je crois que c'est quelque chose du genre. Donc, Groucho, peu importe, lui a demandé ce qu'il prévoyait faire avec l'argent, les 10 000 $ Il a dit qu'il prévoyait prendre un petit peu de congé pour travailler sur un roman. Le roman est devenu The Exorcist, donc c'était pas de ce quiz télévisé. Il n'y aurait pas eu peut-être le temps d'écrire l'exorciste aussi rapidement. C'est une bonne chose. Ouais. James Huberty a appelé une clinique de santé mentale, mm-hmm, demandant d'avoir un rendez-vous. Sa politesse, elle n'avait pas l'air urgente, selon la personne qui a répondu au téléphone. Okay. Peu importe le ou la téléphoniste. Parce que quand t'es en crise, apparemment, t'es pas gentil, tu sais. Ouais, c'est ça, j'entends l'air fou. Non, bref, ça avait pas l'air urgent pour l'opérateur, donc l'appel a été mis dans la colonne des « c'est pas une crise », okay, ce qui allait être géré dans les 2 jours ouvrables. Le lendemain, il a commis une des pires tueries aux États-Unis. Ouais. Wow. Ouais, c'est ça. Ce sera la seule mention du mot « tuerie » aujourd'hui, parce qu'on est là pour oui, c'est ça, complètement être une... comment dire... comment est-ce qu'on peut... un refuge de toutes ces nouvelles qui ont lieu dans le monde, donc on n'en parlera pas du tout. Ensuite, l'acte de bailler et de s'étirer en même temps, ça s'appelle de la panticulation. Paniculating. Ah, d'accord. Voilà, tu vois comment on est un refuge pour les nouvelles de fusion. Est-ce que vous avez déjà regardé deux chiens en train de jouer de façon un petit peu plus violente et un des chiens commence à éternuer alors qu'il est en train de jouer? C'était déjà arrivé de voir deux chiens. Bon, il y en a un qui éternue. L'éternuement, c'est pas la même chose que quand t'as le nez qui pique. En fait, c'est un signal qui dit à l'autre chien qu'il ne fait que jouer et ça empêche les choses d'escalader, si on veut, à quelque chose de plus sérieux. Ah ouais? Ça calme les autres chiens. Bon, bonne affaire. Les signaux comme ça. Ensuite, les exercices quotidiens en contrôle de soi-même. Par exemple, améliorer sa posture, changer son comportement verbal, peut-être arrêter de sacrer tout le temps. Hein? Oui, hey, et ça, j'essaie de travailler là-dessus. Pour vrai? Ben, ouais. En ondes, t'as réussi à jamais faire. J'échoue pas mal jusqu'à présent. C'est pas pire, ça s'en vient bien. T'es pas si pire, je trouve. En ondes, je suis pas si pire, mais apparemment. Même en ronde, tu sacres pas tant que ça. Ça a l'air. C'est pas déplaisant. Sur ta merci famille, peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, ou encore, là, on était dans la liste d'améliorer sa posture, son comportement verbal, utiliser sa main non dominante pour des tâches simples. Graduellement, ça va produire des améliorations dans ton contrôle de soi-même. Donc, c'est une bonne chose à pratiquer pour avoir plus de contrôle sur soi-même, de faire ces petits exercices-là. Bon, donc, je devrais écrire de la main droite? Tu devrais essayer. En fait, ça dit pas d'écrire de la main droite, ça dit de faire des tâches pas trop compliquées. Ah, mais je fais beaucoup de choses de la main droite, par contre. Oh. Comme je suis capable de... Tu sais, ma souris d'ordinateur, il y a des gauchers qui sont pas capables de l'utiliser de la main droite. Moi, c'est quelque chose. T'as coupé les ongles, c'est difficile. Ah non, je le fais quand même assez bien. Ça, vernir mes mains aussi, tu sais, mettre du vernis à ongles. Ouais. Tes mains au complet, trempées dans le chocolat. Ouais, c'est ça. Je suis capable de le faire des deux mains. T'sais. Ben, calme. Ensuite, en 1997, deux compositeurs ont essayé de créer la chanson la plus fatigante du monde. Okay. Mettant en vedette un soprano qui rappait sur de la musique de cowboy avec de la cornemuse et du tuba pendant que des enfants chantent des chansons de Noël et des publicités pour Walmart. Est-ce que ça vous tente d'aller essayer ça pour se rendre jusqu'à la prochaine pause musicale? Ouais. Ouais. The Most Unwanted Song, tout de suite, à Assemblage Rocky. The Most Unwanted Music. Thank you. bien beau, mais je vais juste avancer un petit peu dans cette chanson la plus fatigante du monde pour entendre des d'autres échantillons. T'aimes pas ça? Moyen! Moyen! Attention, j'avance un peu. Je vais aller au milieu environ. Au trois quarts? C'est comme de la musique progressive, hein? Ah, tu peux aussi ne pas la faire jouer. Je vais la mettre vers la fin et on va se rendre à la pause avec ça. The most unwanted song. Dans la zone 89. Toujours à Assemblage Requis, on se lundi 30 janvier 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, on s'est pas quitté longtemps. Non, en effet. Ouais. C'est déjà le moment de retourner à notre deuxième partie. On était en plein milieu de C'est un fait, donc on va chanter une deuxième fois. OK. Tu vas être meilleur cette fois-ci. J'espère. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Qu'est-ce qui s'est passé ce coup-là? Je sais pas, une bulle de cerveau, là, tout simplement. Voyons donc, c'est ta pire, celle-là. Je sais. On va commencer par les gens qui s'occupent de la conservation, la préservation des animaux, peu importe le sauvetage des animaux. En Afrique du Sud, on utilise un colorant rouge spécial et on réussit à faire une infusion de ça dans les cornes des rhinocéros vivants. OK. Le mélange fait que les cornes deviennent complètement inutiles pour les gens qui essaient de les vendre commercialement et c'est aussi toxique pour les humains qui les consommeraient. Le traitement est complètement ne fait pas mal du tout aux rhinocéros, donc c'est pour empêcher... Mais est-ce que c'est toxique pour eux? Non, c'est ça, c'est complètement pas toxique pour les rhinocéros. Ah! Tu veux dire pour les humains? Non, je parlais pour les rhinocéros. Okay, parce que ce n'est pas toxique pour les rhinocéros. Je trouve ça bizarre que ce soit pas toxique pour les rhinocéros, mais que ce soit toxique pour les humains. Ah, la science, Stan! Ouais. La science est rendue là. On va dire qu'on leur donne raison sur celle-là. Ben oui, mais c'est ça. C'est en Afrique du Sud, une bonne chose. Il y a un orchestre qui utilise des instruments faits à partir de légumes. Et après le spectacle, ils utilisent les légumes pour faire de la soupe. Ça s'appelle The Vegetable Orchestra, aussi connu sous le nom de Das Erste Wiener Gemüsegurkorchester. Ben oui. Évidemment. Wow. Gros souper. Gros souper, oui. Ils ont un site web officiel, Vegetable Orchestra. Ils ont des vidéoclips. Est-ce que tu veux entendre un vidéoclip? Bon, vas-y donc, ça sonne comme... Comme ce qu'on a entendu comme avant. Comme quoi, une carotte. On va voir. On va voir. En tournée, en direct devant un public dans ce cas-ci. Ça vous dérange pas si... Ah, OK. Ouais. Oh boy. Oh c'est un peu strident, hein? Je sais pas. Hein? C'est quoi, c'est du céleri? Ah, ça, à date, on voit juste les gens en bagage. Ah! Attends un peu, je vais avancer un peu. Hey boy. Est-ce qu'on peut vous voir en performance? Ah, voilà, OK. Ça, c'est des carottes. Des cocons. La chanson ne va pas avec la vidéo, vraiment, c'est une vidéo d'eux en train de se préparer. Hein. Mais c'est vraiment, vraiment strident. Oh non, non, non, là, ça suffit! Non, c'est vraiment désagréable. Je m'ennuie de soupe opéra dans ce moment. Wow. Non, c'est... Et les gens paient pour aller voir ça. Tania est sous le choc. Ouais, je déteste. Ah, ouais, c'est non, comme, non, c'est ça. C'est comme des ongles sur un tableau. Je sais. Mais t'as donc bien fait de se jouer longtemps. Ouais, hein? J'attendais tes réactions, mais il n'y en avait pas. Écoute, j'étais de glace. C'est ça. On va maintenant à New York dans les métros où les personnes qui s'occupent donc de l'entrée des fois des gens là, ceux qui sont aux caisses si mm-hmm. on veut donc on voit des fois de la poudre chili dans les fentes d'argent pour empêcher les gens d'aspirer les pièces de monnaie dedans la slot. Mais apparemment voyons, c'est quelque chose que les gens font, ils se mettent la bouche sur la slot de la fente de monnaie et ils vont inspirer la monnaie. Donc les gens qui s'occupent des caisses vont mettre de la poudre de chili dans les fentes pour empêcher les gens. Vraiment, on est rendu là. Wow. Des lois maintenant en Arkansas, au Maryland, dans le Mississippi, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee et au Texas empêchent les gens qui ne croient pas en Dieu d'avoir une position dans le fond, pas au gouvernement, mais à la fonction qui est, publique. Fonction publique, exactement. Fonction publique. Ah, ouais. Interdiction. C'est donc stupide. Ouais. L'Italie n'avait pas de tomates avant 1548. C'est pour ça que la nourriture italienne traditionnelle ne contient pas de tomates. Ah, je sais, 1548. Ah, oh, Tania, voyons. Mais c'est bon, des tomates. C'est comme des ongles sur un tableau, ce cri-là. C'est comme... Ah, boy! C'est Louis José qui faisait ça dans un de ses shows back dirait, in the days. C'est une carotte aussi, qui est comme instrument de musique. Wow, des belles. En 1977. Mais c'est meilleur ça que quand tu siffles. En 1977. Hey, tu m'as pas fait ça. C'est pas vrai. Sache que mon siffle est très, très bon. Regarde. Ouais, mais c'est l'autre, là. Ah, celle-là, il m'énerve. Ah. Ah. C'est exprès. En 1977, je te remets la vidéo des légumes. Sinon. Ah, non, OK, c'est beau. En 1977, Olivier St. J. Fox avait tellement peu confiance à la franchise Star Wars qu'ils ont donné tous les droits de merchandising, tous les objets qui pouvaient être faits, les licences, bref, à George Lucas en échange de 500 000 $ pour son frais en tant que directeur. En 2014, la valeur de la franchise était estimée à 37 milliards de dollars. Il y a un film qui a été fait en 2009 qui était vraiment de la peinture en train de sécher. Tu sais, des fois, on dit quelque chose est aussi plate que la peinture en train de sécher. Ben, c'était pour les critiques qui mentionnaient donc qu'ils aimeraient mieux regarder de la peinture séchée que regarder un film en particulier. Donc, on a fait Paint Drying the Movie, gagnant de 7 prix pour excellence en vidéo. C'est en parenthèse, sûr, c'est pas vraiment. C'est marqué pas vraiment. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ça a été financé, cette affaire-là? Non, je crois pas. OK. Mais comme slogan, c'est « Too boring for the silver screen », trop ennuyant pour l'écran du cinéma. Wow. Grand écran. General Electric à Schenectady, New York, une ville que tout le monde aime bien prononcer, Schenectady, New York, un code postal 12345 et reçoit des milliers de lettres pour le Père Noël d'enfants qui n'arrivent pas à trouver l'adresse du Père Noël. Donc, ils écrivent code postal 12345. Mais c'est pas compliqué, c'est H-O-H-O-H-O. Ah, ça, c'est au Canada. Aux États-Unis, il n'y a pas de lettres dans les codes postaux, les zip codes. Donc, les employés qui sont là utilisent leur pause des fois pour répondre aux enfants. Cute, hein? Ouais. Pluton n'a pas réussi à compléter une orbite solaire entre avoir été découvert comme planète et avoir été déclassé comme planète en devenant une planète naine. Même pas réussi à faire une seule orbite. Ben, c'est pour ça que t'es pas une planète maudite. Ben, c'est ça. Loser. Franchement. Pluton a été découverte en 1930 par un observatoire de Flagstaff en Arizona. En 2006, son statut de planète a été retiré. Étant donné la distance, Pluton a besoin de 248 années terrestres pour faire l'orbite du Soleil une fois. Ce qui veut dire que pendant sa classification comme planète, elle n'a même pas réussi à faire la moitié. Même pas la moitié de son orbite autour du Soleil. La Russie a un monument pour les souris de laboratoire pour célébrer leur contribution à la science. Hein? Ouais. Puis en plus, une petite souris avec genre une petite veste, là, genre un petit par-dessus. Là. Puis en train de tricoter là, les trucs là, d'ADN. Là, ouais, ouais, ouais. Bref, c'est vraiment cute. C'est cute. Ah, toi... Ça, c'est qui ou toi, ouais? Mais je m'en fous. Mais pourquoi une souris? Une souris, ils ont donné tellement de leur vie pour la science. Comme un rat de laboratoire. C'est là. Ça. Ensuite, vous avez certainement entendu parler le pharmacien à ce sujet-là sur les sirops qui apparemment ne fonctionneraient pas. Mm-hmm. Ben, les Américains dépensent des milliards de dollars par année sur les sirops pour la toux. Oui, pour avoir le privilège de se sentir mieux. Selon l'American Chemical Society et leur plus récente vidéo, on avale probablement un mensonge, nous disent-ils. Oh non! Si on regarde l'étiquette d'un médicament pour la toux typique, on va remarquer qu'il y a au moins un ou plus de ces ingrédients-là, comme ce qui enlève la toux, de la dextrométhorphane, du DXM, des expectorants comme de la guaifenesine, ce qui va amincir le mucus dans les poumons, des décongestionnants comme l'éphédrine et des antihistaminiques comme la loratadine, la même affaire que dans les, je crois que c'est quoi, claritin celui-là, peu importe. Donc, DXM va probablement vous rendre un petit peu plus endormi, mais à part le fait de bien dormir, plusieurs examens, si on veut, plusieurs tests, on a parcouru tout ce qui est textes médicaux. Ça nous a amené très peu de preuves que ces concoctions-là peuvent améliorer les symptômes du rhume. En fait, les essais cliniques nous suggèrent que c'est aussi efficace que les placebos, selon cette étude-là. Voilà. Donc, si vous voulez calmer votre gorge, comme toi qui a des problèmes de gorge des fois, assez souvent, vous devriez probablement boire beaucoup de liquide. Par exemple, vous pouvez prendre aussi une douche très chaude avec beaucoup de vapeur. Boire du thé avec du miel, c'est une très bonne chose aussi. Sinon, on peut prendre une pastille ou un bonbon dur parce que ça va calmer la gorge en augmentant la production de salive. Et si vous êtes vraiment un dévoué de ces médicaments pour la toux, les sirops, vous pouvez quand même... Il n'y a rien qui dit en fait que les sirops ne fonctionnent pas. C'est juste qu'il n'y a pas de preuves vraiment pour dire que ça fonctionne plus que les placebos. Si vous remarquez une amélioration avec le sirop, vous pouvez continuer. C'est peut-être psychologique. Peut-être. Voilà. Et d'ailleurs, plusieurs des grosses doses de DXN dont on a parlé tantôt peuvent faire des effets secondaires comme la tête qui tourne, mouvement des yeux incontrôlables, des convulsions et même dans certains cas extrêmes, la mort. My God. Ouais. C'est tragique. T'as parlé tantôt que tu jurais beaucoup, donc que tu dis des jurons, que tu sacres énormément. Ça t'arrive? Les gens qui font plus ça pour être plus honnêtes selon l'étude. Oh, chanceuse. Il y a deux types de gens, hein, ceux qui n'aiment pas les gens qui sacrent et ceux qui sacrent tout le temps. Donc si vous êtes de ce deuxième côté-là et que vous n'avez pas peur de l'admettre, grâce à la science, vous savez maintenant pourquoi c'est une bonne chose. Selon Medical Daily, une nouvelle étude en deux parties conduite par une équipe de chercheurs internationaux de Stanford, l'Université de Cambridge, Maastricht University et Hong Kong University of Science and Technology nous suggère que les gens qui peuvent facilement sacrer plusieurs obscénités sont plus honnêtes. Donc, oui, jackpot. Pour la première partie de l'étude, l'équipe a conduit des entrevues avec 276 sujets de partout aux États-Unis qui ont été recrutés sur Internet pour se rendre au fond de leurs habitudes de sacre, donc leurs jurons préférés et la fréquence d'utilisation et comment ils sont honnêtes en leur demandant donc de jouer des rôles, de jouer à des petits jeux, des activités qui vont les aider à déterminer donc leur niveau d'honnêteté, de confiance. Pour la deuxième partie, l'équipe a analysé les statuts Facebook de presque 75 000 utilisateurs en cherchant des indicateurs linguistiques de mensonges. Par exemple, l'utilisation de pronoms à la troisième personne. Tu sais, Trump parle tout le temps de Trump. Trump. Il parle tout le temps de lui à la troisième personne. Ben, c'est ça. C'est un indicateur de mensonge. Donc, c'est ça. On parle de mots négatifs déterminés par un rapport de 2003 nommé Personality and Social Psychology Bulletin. Donc, c'est à peu près ça. C'est pas la première fois que les chercheurs font des enquêtes là-dessus. En 2016, on a publié une étude dans Language Sciences qui déterminait que les gens qui sacrent beaucoup peuvent posséder une intelligence verbale plus élevée, alors qu'une étude de 2014 nous montrait que sacrer peut en fait soulager les douleurs. En plus, bon, écoute, je suis en santé, je suis honnête, c'est comme ça que ça se passe. Tout va bien. Ça, c'est un peu bizarre, celui-là. Est-ce que vivre proche d'une autoroute pourrait augmenter votre risque de démence? De démence, tu sais, la démence, la folie. Ben, moi, je dirais non. Apparemment que oui. Donc, ça pourrait être dangereux de vivre près d'une autoroute. Le bruit et le trafic sont très élevés sur la liste de choses qui pourraient te nuire. Selon une étude canadienne dans The Lancet, votre risque de développer la démence pourrait augmenter plus vous vivez près d'une route majeure. Dans une étude de plus de 6 millions de personnes, les chercheurs ont trouvé un lien entre le développement de la démence et la proximité d'une personne à une route majeure, par exemple une autoroute. Les gens qui vivaient à moins de 50 mètres d'une route majeure avaient 7% plus de chances de développer la démence que les personnes qui vivaient à plus de 300 mètres. Le risque descend plus tu vas loin, avec 4% plus de chances à 50 à 100 mètres et 2% plus de chances entre 101 et 200 mètres. L'étude a été conduite sur des gens qui vivaient en Ontario entre 20 et 85 ans entre 2001 et 2012. L'étude a trouvé un lien entre la proximité et le risque de démence, mais il n'y a aucune preuve concrète que ça arrive pour vrai. Par contre, il y a eu des études sur le lien entre la démence et la pollution de l'air, ce qui est aussi quelque chose que tu vis quand tu es proche d'une autoroute. et le risque descend plus tu t'éloignes. Selon la World Health Organization, il y a plus de 47,5 millions de gens qui vivent avec une démence partout dans le monde, avec 7,7 millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année. La cause la plus commune est l'Alzheimer, 60 à 70% des cas. L'équipe a aussi enquêté à savoir s'il y avait plus haut risque de développer la maladie de Parkinson ou la sclérose multiple lorsqu'on vit près d'une autoroute, mais là, ils n'ont pas trouvé de lien. Mon Dieu, ben pourtant, ça dépend si t'as des murs de son aussi. Oui, effectivement, effectivement. Parce que je vivais à côté de l'autoroute des Caries à Montréal, mm-hmm. puis on n'entendait absolument rien, mais on était collés dessus. Félicitations à ces murs-là, félicitations. Ouais, ouais, ouais, c'est bien fait. Il y a les aéroports aussi qui me titillent. J'aimerais ça s'il y avait un test là-dessus. Je pense que je détesterais plus habiter à côté d'un aéroport que d'une route. Je pense aussi, et ça prend par surprise. Parce que c'est, ouais. l'autoroute, c'est constant, tu finis par l'oublier, t'sais. Alors que l'aéroport avec les avions, c'est comme une fois c'est, de temps en temps, ouais, zoom, zoom, zoom, zoom. Oh, ça c'est intéressant, ça. Je sais pas si ça intéresse d'autres mondes que moi, mais une révolution des toilettes s'en vient au salle de bain en Chine. Pardon? Trouver une toilette publique lorsque vous voyagez en Chine, ça va devenir beaucoup plus facile. Le pays planifie ce qu'ils appellent une révolution des toilettes. Ça fait partie d'un investissement majeur de 290 milliards de dollars pour augmenter le tourisme entre maintenant et 2020. Le gouvernement dit vouloir mettre à niveau ou construire 100 000 salles de bain publiques selon Reuters et CityLab. D'ici 2020, la Chine veut augmenter donc l'industrie du tourisme par 10,8% ça dit plus d'argent, etc., pour améliorer la situation au pays et rendre ça plus confortable et plus attirant pour les gens, particulièrement pour ceux qui n'ont jamais utilisé de toilettes où on squatte. Tu sais, les toilettes où tu dois te mettre en genre de position drôlement inconfortable. Donc, sur un trou odorant. Voilà. Bref, le plan va cibler surtout les villes industrielles en déclin dans le nord de la Chine, que le gouvernement espère rendre un petit peu plus touristique. Selon World Bank, seulement 77% de la Chine a accès à des endroits publics de toilettes avec conditions améliorées, voilà, voulant dire qu'une séparation hygiénique entre les humains et leurs excréments. Alors que les États-Unis ont 100% d'accès à ces toilettes-là. Je pense qu'on est au courant qu'en Amérique du Nord, ça va très bien de ce côté-là. Hein? Bref, le China National Tourism Administration a récemment sorti donc une proposition pour le nouveau standard sanitaire pour les toilettes publiques dans les endroits touristiques qui vont inclure donc, des toilettes occidentales comme les nôtres, du savon, pas d'odeur et beaucoup plus. La barre est quand même assez haute à franchir. Donc, pour réussir à avoir la cote 3A, les toilettes vont avoir besoin de musique diffusée. Et aussi, vont devoir fournir des toilettes qui sont utilisables par les personnes en chaise roulante. Ben oui. De nouveaux investissements, donc ils vont coûter très, très cher. Et j'ai aussi vu, c'était en Asie, je me rappelle pas si c'était en Chine, mais qu'il y avait le changement des logos. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, il y avait des petits logos sur les toilettes parce que t'as un bidet, t'as la ventilation, mm-hmm. t'as un paquet de trucs d'icônes comme ça sur la toilette. Et les icônes étaient peu compréhensibles. Donc, on a changé ces icônes. On va changer ces icônes-là dans le futur, plus ou moins rapproché. Justement, continuons sur le domaine des toilettes. C'est le musée de l'art sur bol de toilette. Non! De couvercle, en fait. Il y a plusieurs musées dévoués à plusieurs choses de la vie de tous les jours. Ici, c'est à San Antonio, au Texas, où un maître plombier à la retraite a créé une attraction qui s'appelle Barney Smith's Toilet Seat Art Museum. Selon bungboing.net, le directeur de ce musée, Wes Plate, donc oui, vraiment, Wes Assiette ou Wes Plate, a fait un court-métrage sur ce musée-là qui est ouvert depuis 1992 et qui montre plus de 1200 sièges de toilettes transformés en œuvres d'art. Oui, donc le siège de toilette est un canevas pour Smith qui focus sur des éléments importants de l'histoire, des éléments sportifs, des vedettes, la pop culture générale et le patriotisme américain. Donc c'est un homme de 95 ans qui est artiste depuis presque toute sa vie, mais qui est tombé dans l'entreprise familiale de la plomberie en tant que carrière à temps plein. Et c'était pendant un de ses voyages chez un fournisseur de trucs de plomberie que Smith a trouvé l'inspiration pour son obsession artistique. Barney Smith's Toilet Seat Art Museum est situé au 239 Abiso Avenue à San Antonio, Texas, ouvert au public, et vous pouvez même donner votre propre siège de toilette et Smith va graver votre nom dans le siège. Ça va faire partie de l'œuvre. Wow. Et il faut s'assurer évidemment que le siège de toilette soit propre avant de lui donner. J'espère. Ouais. Il y a 211 ans, il y a quelques 211 ans environ, là, pas exactement la date d'aujourd'hui, mais les Français avaient abandonné le calendrier décimal. T'sais, des fois, on se dit, bon, c'est tellement plus simple les mètres que les pieds, mm-hmm. tellement plus simple les kilogrammes que les livres, parce que c'est tout le temps des multiples de 10. Ben, à l'époque, il y avait un calendrier décimal. Ouais, en 1793, les Français sont passés donc de l'heure révolutionnaire française en créant donc un système décimal pour l'heure, pour la durée. Donc, une journée avait 10 heures, 100 minutes par heure, 100 secondes par minute. Rien de moins. Le système était élégant, donc enlevant les mathématiques très complexes pour calculer le temps par rapport aux 24 heures, 60 minutes, 60 secondes. Mais c'est aussi très compliqué. Le temps révolutionnaire français est arrivé en même temps que le calendrier républicain français, où on essaie de rationaliser la durée. Les mois étaient divisés en semaines, en 3 semaines de 10 jours. Il y avait 12 mois quand même, et les journées qui restaient devaient s'additionner pour faire 365 ou 366 pour les années, pour que ça puisse concorder avec les autres calendriers. Donc c'était pas super élégant. Les journées et les années étaient difficiles à diviser par 10. Mais bon, et c'était difficile aussi de trouver qu'est-ce qui était midi. À l'époque, midi était 5 heures. Quand tu cherches midi à 5 heures. Bref, le temps révolutionnaire français a duré seulement 17 mois. Le 7 avril 1795 du calendrier grégorien, qui est le calendrier qu'on utilise maintenant, le système de temps est devenu optionnel. Les horloges décimales et les horloges hybrides décimales et standards ont continué à être utilisés pendant plusieurs années, mais vraiment, la France est retournée au même système que ses voisins assez rapidement. Le calendrier républicain français a duré plus longtemps, par contre. Il a commencé à la fin de 1793 et a duré jusqu'à la fin de 1805. On parle 1805 en termes de grégorien. Le 31 décembre 1805, le gouvernement français a complètement annulé le système en l'an 14, selon le calendrier républicain. C'était à cause du règne de Napoléon Bonaparte en tant qu'empereur. Bref, ça commence à être compliqué, mais il a été... est-ce qu'on peut dire... Son investiture, disons, a eu lieu le 11 frimaire de l'an 13 du calendrier républicain français, le 11 frimaire. Frimaire? Bien sûr. Aussi connu sous le nom... en février, ça? Peut-être. Aussi connu sous le nom de 2 décembre 1804 dans le calendrier grégorien. Ça lui a pris plus d'un an pour annuler tous les calendriers révolutionnaires. Mais bref, le 1er janvier 1806 est arrivé et on a utilisé le calendrier grégorien pour le reste de l'histoire. Ah, tout ça est disponible sur Wikipédia pour en savoir plus si ça vous intéresse. Aussi là, par rapport aux années bissextiles et tout. L'heure décimale et le calendrier républicain français. Wow! Ensuite, tu sais que le Super Bowl s'en vient? Oui. Tu sais aussi qu'à chaque année, il y a le Puppy Bowl? Ben oui. Avec des petits chiots. Cette année, pour la première fois, le Puppy Bowl va mettre en vedette des chiens avec des handicaps. Oh, c'est oui. Cute! C'est génial. Donc, les amoureux des chiens savent que le dimanche 5 février, c'est aussi le Puppy Bowl. Pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est un événement télévisuel qui est diffusé sur Animal Planet le jour du Super Bowl et met en vedette plusieurs chiens adoptables. Donc, des pas de fourrières, mais de trucs où on peut adopter des animaux. Là. Bref. C'est ça, donc ils se promènent puis ils jouent à des petits sports, c'est belle fun. Donc cette année, selon USA Today, les producteurs de l'émission cherchent à ajouter un petit peu de diversité. Ils ont recruté 3 canins avec des handicaps pour compétitionner sur le terrain. Lucky est un mélange terrier à fourrure foncée avec une jambe amputée. T'en as un autre qui est sourd, donc on doit l'enseigner, on doit lui enseigner le langage des signes, c'est vrai. Et l'autre a des problèmes de vision et d'ouïe aussi, qui a besoin d'être de surveiller de très très près. Au total, 78 chiots, dont ceux que je viens de mentionner, vont participer au Puppy Bowl de cette année. Ça a été filmé au mois d'octobre. C'est même pas en direct. C'est triste, c'est même pas filmé en direct. Mais c'est quand, bah? Ça va être diffusé en même temps que le Super Bowl, mais ça a été filmé en octobre. Avant, ok. Donc, selon USA Today, ça va être la plus grande représentation de canins avec handicap à avoir compétitionné dans cet événement-là. 34 organisations d'adoption d'animaux de partout aux États-Unis participent cette année. Tous ces chiens-là ont besoin de maisons. Certains ont déjà été adoptés, comme ça a été filmé en octobre, comme j'ai dit tantôt. Et c'est la 13e fois que Animal Planet fait le Puppy Bowl, qui va être diffusé le 5 février à 15h, heure de l'Est. Vous pouvez aller voir le site de animalplanet.com pour en savoir plus. Une dame de 84 ans nommée Edith Macefield a refusé une offre $1 million pour sa propriété, ce qui a forcé un centre d'achat à construire la maison, à construire son centre d'achat autour de sa maison. Ben voyons donc. Je te jure, et on voit vraiment sur les photos de quoi ça a l'air. C'est pas si pire. Mais je peux pas croire, ils ont dit oui. Ouais. C'est Edith Macefield qui considère que sa maison à Seattle, Washington, elle n'avait pas de prix. Donc, elle a refusé l'offre $1 million pour sa propriété en 2006. Les développeurs planifiaient de construire un centre d'achat dans le quartier Ballard et ils ont offert à Edith la somme presque impossible à refuser, mais elle a quand même refusé, disant qu'elle ne voulait pas se relocaliser ou déménager. Le centre d'achat était toujours en pleine construction, mais ils ont fait attention de ne pas déranger la maison de Edith ou sa petite cour arrière. Tristement, Edith Macefield est morte en 2008 à l'âge de 87 ans, mais il lui restait une dernière surprise. Edith a légué sa maison à Barry Martin, un chef de construction d'un site adjacent. Quand Edith a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas, Martin l'a aidée en l'amenant chez le docteur, chez le médecin et en la surveillant ou en l'aidant. Edith était tellement reconnaissante pour son amitié et sa gentillesse qu'elle lui a laissé la maison à ce Barry Martin. C'est cute, wow. Hein? Très cute. Une compagnie australienne nommée Unified Weapons Master aimerait ramener les duels de gladiateurs avec des habits en fibre de carbone. Hein? Pour se battre avec de vraies armures. Donc, la prochaine génération de gladiateurs, on a passé les deux dernières années à essayer de construire un habit spécial nommé le lorica, qui veut dire littéralement « armure corporelle » en latin. Mais cette chose-là fait plus que juste être une série de plaques faites pour votre protection. L'habit fait ça, mais en plus... fait plus que ça, oui. Donc, ensuite de cette fibre de carbone et cette mousse résistant à l'impact, le lorica a un paquet de sensors qui sont faits pour détecter lorsqu'une partie de l'armure a été frappée. OK. Donc, l'habit utilise une combinaison de sensors de vibration et de choc piézoélectrique et ça a des accéléromètres aussi pour mesurer non seulement où le coup a atterri sur le corps, mais aussi la force du coup. Et toutes ces données sont ramassées par l'habit en temps réel pendant un combat et c'est envoyé sans fil à un ordinateur qui va pouvoir garder le score entre les deux personnes. Avoue que ça a l'air cool de pouvoir se battre sans se faire mal comme ça. Ben, je vais te demander, ben franchement... Ouais, là... À quoi ça peut servir? Ah, t'es donc ben rabat-joie! À quoi servent les jeux vidéo? À quoi servent les sports? Ouais, mais là, c'est on s'entend question. Que c'est pas la même chose. C'est la là. Même question. C'est quoi, mettons, là. Tu te mets une armure sur le dos pour te fesser dessus. C'est quoi la différence entre ça, puis je sais pas, le sumo, les batailles ou la boxe? C'est quoi la différence? Il y a une condition physique. Il y a un entraînement qui vient avec. Ouais, mais... Là, tu mets une armure oui, mais pour justement... calculer la portée de tes coups. Justement, c'est pas tout le monde qui veut aller se faire frapper pour vrai à la boxe. Alors que là, mais tu pourrais te faire frapper. Mais va pas te faire frapper, point! Mais mettons que tu veux ressentir le thrill de te faire frapper ou de frapper quelqu'un. Tu me dirais que ça serait pour développer, je sais pas moi, quelque chose pour les gars qui sont dans l'armée. Je dirais, ah, quelle bonne idée! Tu sais, ça ressemble vraiment gros, mettons, à la technologie de l'armure de Iron Man. T'es d'accord? Oui. Bon. Mais pourquoi en faire un jeu vidéo? Mais, mettons, là, les jeux vidéo de boxe, là... Tu sais, il va faire de l'escrime, il se fend pour vendre des affaires d'escrime. T'es vraiment rabat-joie, Tania. Mais pourquoi? T'es rabat-joie? Tu mettrais une armure de même pour te fesser dessus? Pourquoi si les gens jouent au soccer virtuel, au football virtuel, alors qu'ils pourraient juste jouer au vrai football? Hein? Ben, parce que l'hiver, tu peux pas. Ben, c'est vrai? Ouais, mettons. Je réussirai pas à la convaincre de toute façon, hein? Mais non, mais je suis pas rabat-joie, je veux juste que tu m'expliques à quoi ça sert. Pour le fun, la chose! OK. Mais c'est parce que ça doit être vraiment dispendieux juste pour le plaisir de pouvoir te frapper dessus. Pourquoi si les gens vont au laser tag? Pour se sentir comme quelqu'un qui est dans l'armée. Bon, ben pourquoi est-ce que tu ferais pas la même chose pour te sentir comme dans un ring de boxe? Ou d'épée, d'escrime. Ouais, là, c'est pas un ring de boxe, là. On s'entend, ils boxent pas avec leurs mains, ils ont des armes dans les mains. Mais c'est le même principe qu'un laser tag, je trouve. OK. Oh! Sur cette optique-là, je vais te la laisser. Une petite pointe de peut-être que peut-être. Ouais, voilà. Peut-être. C'était pour cet effet, une grosse galerie disponible sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission en 1058. On prend une pause musicale. Avant de continuer, ça va être la prochaine chronique, c'est justement sport effiloché par une chose qui sert absolument à rien. Les sports! t'es rabat-joie! C'est hein? Ça! Voici Gasoline et l'amour véritable et ton rebelle, assemblage requis. Tiens, les rebelles. Sous-titrage Société Radio-Canada. c'est l'aube et c'est peut-être ma chance de mourir heureux. L'amour véritable est au rebelle. Je prie, je te demande que ce moment dure toujours, mon Dieu. Je compte les secondes, elles sont si belles. L'amour véritable est ton rebelle. Autour de la pause, sport et filoché, assemblage requis, restez là. Écoutez, assemblage requis en ce lundi 30 janvier 2017. Elle est Tania Wallin. Et Mathieu Plante. Qu'est-ce que tu regardes, là? Bien, ça va un petit peu dans la même optique que la joke que je t'ai contée. Refais-la, refais-la. D'accord, c'est parce qu'en fait, je viens de tomber sur quelque chose sur Facebook qui est quand même très drôle. Tu sais, on voit souvent des réponses de jeunes enfants qui savent pas trop quoi répondre dans leur examen. Et les questions étaient, dans quelle bataille Napoléon est-il mort? Le jeune a répondu, sa dernière. Où a-t-on signé la déclaration d'indépendance? En bas de la page. Et dans quel état coule-t-elle la rivière Ravi? L'état liquide. Et quelle est la raison principale du divorce? Ben, le mariage. Ben oui, c'est sûr. Ça rappelle tellement la chronique de... c'était Alassania qui a fait ça, les trucs médicaux, là, oui. Où les médecins posent des questions aux patients, genre, tu t'es fait mal où? Ben, chez nous, là. Exact, j'ai trouvé ça quand même très drôle. Bien évidemment, il y a eu un F, mais un A+, pour la créativité. Ah, mais un F, c'est le fun à transformer en A avec juste une petite barre. Oui, ah, c'est vrai. Ça passe mieux quand il faut que tu fasses signer tes parents. C'est ça. Merci, Tane, pour ça. Ça fait plaisir. Maintenant, justement, on va te laisser parler un peu, parce que je sais que t'aimes les sports, toi. Oui, contrairement c'est chose à toi, inutile qu'on appelle le sport. Voici Sport et Filoché. De parler de sport comme à chaque lundi matin approximativement. Et on va commencer ça contrairement à toutes les autres semaines. On va commencer par le Blizzard de Trois-Rivières, l'équipe de hockey de la Ligue nord-américaine. Donc, on le sait depuis... ça fait quelques fois qu'on le dit, là, je pense qu'on est... on est bien stédé là-dessus. Ça n'a pas été la saison qu'on espérait du côté du blizzard. Ça a été difficile. Par contre, on commence justement à regagner la pente pour au moins pouvoir participer aux séries. Il nous manque quelques points. Et vendredi, c'était à Trois-Rivières contre Laval. On a eu un important gain du côté du blizzard devant une foule qui était quand même nombreuse. Depuis quelques temps, on voyait le nombre de partisans peut-être à la baisse. Mais là, cette fin de semaine, ça a quand même bien joué du côté de la foule. La foule était là, la foule était bruyante aussi. Donc, de ce côté-là, on a eu le support qu'on espérait peut-être du côté de l'équipe. Et comme je le disais, on a eu un gain. Donc, le gain a permis à la troupe de l'entraîneur Sébastien Vouligny de s'approcher à 5 points de l'équipe de Laval et surtout d'une place dans les séries. Donc, les deux équipes ont deux autres rendez-vous d'ici la fin de la saison. On va pouvoir voir jusqu'à quel point est-ce qu'on peut se rendre en série. C'est sûr que c'est quelque chose là où on joue vraiment sur la limite de la ligne à chaque match qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Ça va jouer beaucoup justement sur les gains, les défaites qu'on va avoir. Mais vendredi, c'était quand même un très bon match. On a pu voir surtout les gars, j'ai quasiment le goût de dire, se redresser en tant qu'équipe. On a vu aussi une espèce de pousser d'adrénaline du côté de l'équipe de Trois-Rivières face à Laval. Ça fait quelques gains qu'on a contre eux. Donc déjà, on sait que c'est l'équipe à battre pour justement mettre la main sur une place en série. Ça se passe bien de ce côté-là. C'est lorsqu'on arrive face à d'autres équipes que ça va plutôt moins bien pour Trois-Rivières. Comme qui est arrivé en fin de semaine, eh bien, on est allé du côté de Thetford Mines. Donc on était sur la route. On s'est incliné face à Thetford Mines. On dit que le gardien de but, Marco Cousineau, a quand même été tout seul un petit peu dans le match. Celui qu'on appelle Coucou. Oui, c'est ça. Marco Cousino. Marco Cousino. On dit qu'en fait, c'est pas une défaite qu'il doit se reprocher. Au contraire, c'est un petit peu l'équipe qui l'a laissé tomber durant le match. Pauvre Coucou. Donc, ça a été quand même un petit peu plus difficile. On parle d'une défaite de 3-1 contre l'Assurantia à Thetford Mines dimanche devant un peu plus de 1000 spectateurs au centre Mario-Gosselin. Donc, Thetford ont plus de partisans que le côté de Trois-Rivières. Hey, hein? Ça, c'est... Faut pas se laisser faire de même. Bien, on sait que cette saison, ça a été difficile. Je vous dirais qu'on avait une belle foule vendredi lorsque Trois-Rivières a joué ici. Ça se jouait pas dans les 1000, mais... Quand même, on sentait que les gens étaient derrière Trois-Rivières pour justement pouvoir mettre la main sur les petits points qui restaient à faire avant les séries. François Godin avait procuré les devants au Trifluvien 1-0 avec un deuxième but de la saison inscrit à 9 minutes 13 en première période. Par la suite, c'est Billy Lacasse qui a renvoyé les deux équipes à la case de départ à 11 minutes 47. Billy Lacasse qui est un ancien des Patriotes de l'UQTR qui joue pour Thetford Mines. Donc de ce côté-là, ça nous a fait mal un petit peu. On dirait un personnage de dessin animé. Billy Lacasse? Oui. Ce serait comme un, je sais pas, un tigre. OK. Billy Lacasse, ta ta ta ta ta ta ta Billy Lacasse, ta ta ouais, ta ta ouais. ta ta ta ta Non? Ça pourrait. Je le disais, Marco Cousino n'a pas une grande défaite à se reprocher là-dessus. Au contraire, les joueurs du Blizzard doivent remercier justement leur gardien, Marco Cousino, qui a fait face à un barrage de 37 lancés. On s'attend à en laisser passer juste 3, donc c'est quand même pas pire. 37 lancés dans un match de hockey, c'est beaucoup. Il y en a 16 en deuxième période. Ils n'ont dirigé que 16 tirs vers le gardien de Thetford Mines. Donc, du côté de Trois-Rivières, on a moins été chanceux pour pouvoir tirer au but. Aux unités spéciales, on n'a pas pu inscrire de but en 8 avantages numériques du côté de Trois-Rivières. Donc, de ce côté-là, on a... Ça va bien quand c'est contre Laval, mais quand c'est d'autres équipes, ça va un petit peu moins bien. On espère quand même qu'on va pouvoir mettre la main sur d'autres points qui restent à gagner pour justement arriver à pouvoir faire les séries en fin de saison. Mais on ne sait pas trop encore. On va devoir voir le prochain match local pour Trois-Rivières. C'est le 10 février à 8h contre les Éperviers de Sorel-Tracy. Donc, on va pouvoir voir comment ça va se passer de ce côté-là au Colisée de Trois-Rivières. Voilà. Tout à l'heure, je disais que du côté des Patriotes de l'UQTR, ça a été une très grosse fin de semaine. Est-ce qu'on a réussi à réparer la vitre brisée par les gens de l'UQTR? Eh bien oui, on va commencer par ce fameux match-là. Parlons-en en fait, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Non. C'était cette semaine le match du carnaval Concordia contre les Patriotes de l'UQTR. Il y avait une très bonne foule. C'est le fun de voir une foule comme ça, partisane de l'équipe de l'UQTR. Par contre, ce qui est un petit peu moins plaisant, c'est quand on arrive à un autre match de saison, de saison régulière ou que c'est pas le carnaval ou qu'il y a pas un chat de l'UQTR qui vient encourager. C'est très, très rare qu'on va voir autant de gens dans les gradins. Mais pour combien les il y a en général, mettons, là? Mettons, t'as à mettre un chiffre là-dessus, genre? Genre, aux alentours de 150 à 200. Okay. Lorsqu'on était au carnaval, on parle de 850 personnes qui étaient là. C'est sûr que durant le carnaval, les associations étudiantes gagnent des points s'ils y vont. Par contre, c'est le fun de voir une belle ambiance comme ça dans un colisée plein. Bien évidemment, ça met les troupes aussi des Patriotes en feu. Ils étaient là, ils étaient présents, ils ont très bien joué. Et comme tu le disais, on a eu un petit bris d'aréna. Ben, léger bris plutôt dispendieux, je dirais. Hein? Oui, oui, tout à fait. En fait, on le sait, parfois, durant le carnaval, les esprits s'échauffent un petit peu. Et on a décidé de tout simplement faire un petit peu de grabuge. Ça parle après à vite, on va appeler ça de même. On va appeler un chat un chat. Hein? C'est ça. Donc, il y a une association quelconque, toujours... Oh, excuse-moi, je l'ai dit tantôt. Mais toujours bien orange, qui a décidé de justement faire aller leurs espoirs pour les Patriotes. Avouez que si vous aviez eu à deviner c'était qui, vous auriez de toute façon dit ITR. Hein? C'est sûr. Ingénierie, c'est sûr. On s'en cachera pas. Ce qui est arrivé, en fait, c'est lors du deuxième but des Patriotes de l'UQTR, on a vraiment festoyé notre joie, tout simplement. Et la vitre a brisé. Ça a pris quelques temps à pouvoir réaliser qu'on ne pourrait pas réparer la vitre en question. Donc, on a dû faire un changement d'aréna du côté des Patriotes. On est allé dans l'aréna qu'on appelle de poche, tout juste à côté, Claude Gondrin. L'aréna de poche? Oui, elle est un petit peu plus petite. Okay. Il faut le dire, les 850 personnes qui étaient à l'intérieur du Colisée ont rentré dans l'aréna de poche, mais vraiment tous très collés. Ça avait sûrement l'air plus plein, au moins. Oui, c'est vraiment plein. Peut-être faire tous leurs matchs là. Ben, peut-être. Non, mais tu sais, c'est comme le match d'impro là, qui était au 10-12 avant, puis maintenant on le fait à chasse, ça a l'air pas mal plus plein. C'est vrai, tout à fait. Tu sais, il faut apprendre de ces choses-là, des fois. Oui, ouais. On a réussi quand même à réparer la vitre maintenant, aujourd'hui. C'est sûr que le soir même du match, malheureusement, on n'a pas été capable parce qu'on n'avait pas la bonne dimension de vitre. Mais quand même, victoire de 5-2 contre Concordia pour les Patriotes de l'UQTR. Cette fin de semaine, on était sur la route. On était du côté de Nipissing University. Donc, on jouait contre les Lakers. On a eu une défaite de 3-2 en tir de barrage. Les marqueurs pour les Patriotes de l'UQTR, eh bien, ils ont été Delisle et Bérubé. On se rappelle, on joue un petit peu avec un club qui n'est pas nécessairement habitué d'être sur la glace parce qu'il y a plusieurs joueurs de l'équipe présentement qui sont dans un autre pays. On participe avec l'équipe canadienne au Universiade. Et oui, si jamais ça vous intéresse, le premier match de l'équipe canadienne. Donc, vous allez voir 6 des joueurs des Patriotes de l'UQTR, entre autres Charles-David Bourdouin, Martin Lefebvre, Guillaume Masselin. Là, j'essaie de me rappeler tout t'es le monde. T'es bonne, demain. Pierre-Olivier Morin et évidemment Sébastien Auger, notre gardien de but. Il m'en reste un et... J'aimerais tellement cette année. Je ne me souviens pas du tout du 3. Tommy Giroux, voilà. Ah, yeah. Donc, les 6 joueurs des Patriotes de l'UQTR qu'on est habitués de voir sur le club A, disons-le comme ça, eh bien, ils sont partis pour jouer avec Équipe Canada aux Universiades. Si jamais ça vous intéresse, le premier match est à 8h30 aujourd'hui et c'est possible de l'écouter en direct sur www.livefisu.com. TV. Donc, si jamais ça vous intéresse, on joue en plus contre les États-Unis, donc ça devrait être très, très intéressant. Et comme je le disais, on ne joue pas avec un club qui est habitué d'être sur la glace présentement parce que, justement, ces joueurs-là sont à l'extérieur. On joue quasiment avec un club B, club C. Ça a été une très belle victoire contre Concordia, mais bien évidemment, on doit faire beaucoup d'efforts du côté des Patriotes de l'UQTR pendant que nos joueurs habituels sont à l'extérieur. Mais quand même, ça se passe très bien. On a réussi quand même à se rendre jusqu'en tir de barrage. Good. Voilà. Du côté de cette fin de semaine, eh bien là, on a passé le hockey, mais il y avait d'autres sphères sportives. Tu es en train de dire que je pourrais pas faire de jeu de mots? Je suis désolée, Mathieu. Ah ben, tabarnouche! Ça se passera pas aujourd'hui. Il était prêt, là! Je sais. Ben, je vais le garder pour la fois. Ils n'ont pas joué. Leur saison est terminée pour la climatisation Cloutier. Ça revient quand? En fait, on attend de voir l'horaire des séries pour la Ligue Senior A de la Mauricie. Donc, ça devrait sortir dans les prochains jours. OK. On devrait savoir quand est-ce qu'ils vont commencer à jouer en série, mais pour le moment, on n'a pas joué cette fin de semaine. Si ça avait été juste l'année prochaine, j'aurais fait le jeu de mots tout de suite. Non. OK, je le garde. Ça devrait revenir lundi prochain, d'après moi. Du côté de de la natation, on en parle quand même assez rarement, mais on est en préparation pour les championnats provinciaux du côté des Patriotes en natation et on a réussi à sortir de très belles performances cette fin de semaine. Ça se passait ici au CAPS, c'était la 4e coupe universitaire et notamment, on a eu 2 quatrièmes positions. Donc, on parle de Roberge qui, lui, participait aux 100 mètres brasse et Cyr 50 mètres brasse. Et la prochaine étape avant... La prochaine étape, en fait, pour les nageurs, c'est justement les championnats provinciaux qui vont être disputés à l'Université Laval dans 2 semaines. Donc, les Patriotes, jusqu'à présent, en natation, ça va bien. On est quand même capable de bien se classer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté du championnat provincial, du côté de Laval. Du côté du soccer, c'était pas ici à domicile, c'était sur la route. On a joué à Montréal cette fin de semaine. 2 défaites, malheureusement. Ah, come on. Mais... on le sait, on se rappelle, il faut le dire, on est quasiment à l'année zéro tellement on a de nouveaux joueurs. Reconstruction des équipes, beaucoup. Donc, une fin de match et une première défaite de la saison pour l'équipe féminine, donc 4-0 face aux Citadins de l'UQAM. On s'entend en plus, l'UQAM, c'est une équipe qui est forte, c'est une équipe qui souvent va avoir des joueurs ou des joueuses qui font partie du club école de l'Impact. Donc, de ce côté-là, on est très, très fort. Et l'UQAM, c'est comme aussi un match un préparatoire pour la saison, mais ça nous donne aussi la donne de ce qu'on doit travailler pour la saison au complet, pour quand on va les revoir un petit peu plus tard. L'UQAM, ils sont forts, ils sont difficiles à battre, on le sait, et souvent les joueurs des Patriotes vont se dire justement que c'est un bon test de jouer contre eux, savoir où qu'on se situe justement, qu'est-ce qu'on doit améliorer du côté de nos joueurs, du côté de nos nouveaux joueurs, qu'est-ce qu'on doit améliorer aussi du côté des joueurs qui sont là depuis quelques temps, qui peut-être se sont assis sur leur laurier pendant la saison morte. Donc, du côté des filles, malheureusement, on a eu une défaite 4-0, mais du côté des gars, défaite de 2-0 contre les Citadins. J'ai parlé avec quelques joueurs la semaine dernière et justement, eux autres même le disaient, c'est une équipe qui est forte. Lorsqu'on décide de se mettre à l'épreuve, eh bien, on va regarder justement comment on joue contre, par exemple, l'UQAM ou encore l'Université Laval. Parce que bien souvent, c'est ces trois équipes-là qu'on va voir au top du classement durant la saison, c'est-à-dire les Patriotes, l'UQAM et U-Laval. Donc, de pouvoir justement voir que notre défaite n'est pas immense. C'est pas un match à 7-0. C'est un match 2-0, mais de voir que justement, peut-être qu'on doit travailler un petit peu la communication au niveau avec les nouveaux joueurs et tout ça, ça nous donne un petit peu la donne sur ce qu'on doit pratiquer les matins de pratique avec l'équipe. Encore une fois, du côté des Patriotes, cette fin de semaine, c'était une immense fin de semaine, beaucoup d'action et les cheerleaders étaient aussi sur la route pour pouvoir participer à une grande compétition. On a réussi à décrocher une 2e position pour l'équipe sur cette 2e compétition-là de l'année. C'est un bon résultat compte tenu qu'il y avait plusieurs filles et plusieurs gars qui avaient des blessures. On parle aussi d'un changement de routine de dernière minute, justement, face à ces blessures-là. Donc, l'équipe est cependant déterminée à reconquérir la première marche du podium. La semaine prochaine, sachez-le, il va y avoir une compétition, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est le 28 février. Ça va être la prochaine compétition. Ça va se dérouler ici à Trois-Rivières, au centre sportif Alphonse Desjardins. Donc, si jamais vous voulez encourager les Patriotes de l'UQTR, ça va se passer du côté du Cap de la Madeleine, au centre sportif Alphonse Desjardins, je le répète, le 28 février. Et cette fin de semaine, on essayait justement de garder notre titre de champion. On est 2e, on va essayer d'aller le rechercher en février. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer et j'ai hâte de voir aussi comment ça va se passer au niveau des blessures. Est-ce qu'on va pouvoir justement avoir une plus grande solidité à ce niveau-là? Est-ce que nos athlètes vont avoir réussi à prendre un petit peu de temps pour se soigner un peu plus? Je l'espère pour eux parce qu'on a quand même très bien performé de ce côté-là. Donc, ça s'est super bien passé. Il y a des vidéos sur Internet, si jamais ça vous intéresse, où on voit la routine complète. Donc, on sent qu'on a une équipe solide. C'est sûr que, malheureusement, on peut pas calculer des blessures comme ça. On peut pas calculer non plus des changements de routine de dernière minute pour que ce soit des coachs ou des athlètes lorsque ça fait déjà un mois qu'on travaille sur une routine en tant que telle. Donc, malgré tout ça, très belle performance de l'équipe des Patriotes du côté de cheerleading. Voilà. Super! C'est ce qui met quand même un bon... une bonne indication sur ce qui s'est passé du côté des Patriotes, de nos équipes, des Patriotes de l'UQTR cette fin de semaine. Et si on y va aussi un petit peu plus global, si on y va à la grandeur du Québec et du Canada, eh bien, en fin de semaine, c'était le 24 heures de Daytona, mais l'équipe gagnante dans leur catégorie a été une équipe canadienne. C'est l'équipe Allegra Motorsports. Il y a quelques années et il y a quelques mois aussi, dans mon émission, je vous ai présenté un des chroniqueurs anglophones qui était Daniel Murad, un gars qui course en Porsche Canada et en Porsche américaine durant tout l'été. On l'a vu aussi en NASCAR Canada à deux reprises du côté de Toronto, mais aussi du côté de Trois-Rivières. C'est un pilote qui s'y connaît. Il faisait équipe avec Jesse Lazar et Michael De Quesada en fin de semaine. Des pilotes qui s'y connaissent. Jesse Lazar, lui aussi, performe en Porsche. Même chose pour Michael De Quesada. Donc, c'est des gars qui sont habitués quand même du côté quasiment enduro. Leurs courses vont souvent durer une à deux heures parce que justement, on a cette opportunité-là de pouvoir le faire dans une grosse série comme IMSA. Donc, du côté de la Floride cette fin de semaine, c'est eux qui ont réussi à mettre la main sur la première marche du podium dans leur catégorie. On est très, très fiers. Je voulais tout simplement le mentionner parce que c'est pas tous les jours que c'est une équipe canadienne qui va gagner le 24 heures de Daytona. Et ce sont des pilotes qui sont quand même très jeunes. On parle des 24 heures de Daytona, souvent des pilotes qui vont avoir dans la trentaine, qui vont avoir quasiment aussi dans la quarantaine. On joue sur quasiment le gentleman driving lorsqu'on arrive aux 24 heures de Daytona. Et Daniel Murad, Jesse Lazar, Michael De Quesada, ce sont tous des athlètes, des pilotes dans la vingtaine. Donc, de ce côté-là, félicitations les gars. Vous avez très bien représenté le Canada. Michael De Quesada. À vous, hein, à chaque fois que je dis son nom, moi aussi, je pense à ça. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de ce qui s'est passé du côté du sport. Il y en avait beaucoup cette semaine. Okay, c'est cool, oui. Ça. Sport et filoché, on fait ça les lundis matin à Assemblage Requis. On écoute The Pretty Reckless, tiens, juste parce que ça fit, je trouve, dans l'environnement musical de cette chronique. Voici Oh My God, oh my God. À Assemblage Requis sur C'est fou, 89.1 FM. Oh my god, the pretty reckless assemblage requis. Au retour de la pause, c'est les instructions d'assemblage. Est-ce que t'as hâte d'apprendre des affaires? J'ai vraiment très hâte. Des conseils que tu vas faire, genre. C'est sûr. Ça sert à quoi? Exact. Au retour, restez là. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Vous êtes toujours à Cifou 89.1 FM dans l'émission Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées avec Mathieu Plante. Et mais Tania Baudin, ben oui, ben oui. Sûr, qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Bref, oui, merci d'être avec nous toujours. C'est super le fun. Il reste encore une demi-heure avant Cifou le sexe qui s'en vient à 9h30. Puis, bien sûr, revenir à nos sujets controversés que nous évitons à Assemblage requis. Mais voyons, parce de quoi qu'on est un refuge pour ça. Mais si vous voulez entendre parler de tout ce qui se passe dans l'actualité là, aujourd'hui, mm-hmm. ça va être à 11h. Ouais. Le refuge, c'est jusqu'à 11h. C'est ça. Après ça, C'est, ouais. C'est ça. C'est pas... Bref, c'est le moment d'apprendre comment mieux vivre, Tania Baudin. Oui. Oui, c'est le moment. Okay. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage, la chronique dans laquelle, oui, on se donne des conseils de vie, on se dit quoi faire, mais sans, bien sûr, vous dire que vous devez absolument le faire. C'est des suggestions. Ah, comme tout le temps, comme ça, exact. Est-ce que tu voyages beaucoup? Définis beaucoup. Ouais, est-ce que tu as déjà voyagé? Oui. C'est ça. Donc, tu peux peut-être vouloir économiser de l'argent lorsque tu voyages. Tout le temps. On te suggère de faire de la planification de vacances inversée. C'est-à-dire? Donc, évidemment, on sait qu'un billet d'avion, une chambre d'hôtel, les repas, les endroits que vous voulez visiter, ça peut coûter super cher, ouais. même si vous cherchez à travers Internet, même si vous utilisez Trivago, un hôtel. Trivago. Donc, la planification de vacances inversée, c'est Trent Hamm de The Simple Dollar qui nous raconte ça. Lorsque tu trouves des deals en premier et que tu prévois tes vacances autour de ton deal, à la place de chercher de faire un voyage, mettons tu veux faire un voyage à Las Vegas, mm-hmm. tu vas chercher, bon, mais Las Vegas, où est-ce que je peux trouver quelque chose de pas cher? La planification inversée, c'est de trouver qu'est-ce qui est pas cher. Ah, crime, c'est pas cher d'aller présentement à, je sais pas, Miami. Au lieu d'aller, mettons, à Las Vegas. C'est exact, c'est inversement. Ouais, mais là. Si ton événement se passe à Las Vegas au lieu de se passer à Miami, tu fais quoi? Mais c'est rare les gens qui vont voyager pour un événement spécifique. Il faut absolument qu'ils soient là pour le truc en particulier. Ouais, qui t'as raison. Ça arrive, mais c'est plus rare. Donc, ben c'est ça. On y va à l'envers en choisissant un deal, puis après ça, en planifiant ton voyage. C'est aussi simple que ça. Parfait pour des voyages en solo, parfait pour des familles qui cherchent des deals touristiques, des trucs comme ça. Donc, allez voir The Simple Dollar sur assemblagerequis.com pour en savoir plus. T'as besoin d'un rituel matinal et non seulement d'une routine matinale. Tu vas me demander quelle est la différence entre un rituel et une routine. Ouais. Bonne question. Un rituel, hey, c'est une bonne question. Déjà, en partant, une routine, c'est quelque chose que tu fais à chaque jour, ouais, j'imagine. Et un rituel est pas mal. Un rituel, tu peux ne pas le faire à chaque jour. On va voir. Donc, une routine matinale, c'est-à-dire se lever, se nettoyer, hein, se laver, se préparer pour la journée et partir. Mais il te manque un rituel matinal, quelque chose que tu fais pour préparer la scène pour la journée et pour commencer la journée sur une note positive. C'est genre boire un café. J'avoue. Donc, le blog Pick the Brain nous offre trois simples raisons pour lesquelles un rituel matinal ou quelque chose que tu fais chaque matin, non pas parce que tu dois absolument le faire dans une ligne, une chaîne d'événements, mais parce que tu as envie de le faire, on dit que c'est essentiel et que ça va améliorer tes matins. Donc, un rituel matinal te fait commencer la journée d'une façon proactive, en vous demandant peut-être, je vais faire quelque chose de bien pour moi aujourd'hui, au lieu d'avoir une phrase comme, bon, qu'est-ce que je vais devoir gérer aujourd'hui? Donc, c'est un changement de façon de penser. OK. Tu comprends? Oui. Donc, quand tu vas quitter la maison, tu vas faire quelque chose de bien. Ou encore, même que on nous dit, en fait, de faire déjà quelque chose de bien avant de partir pour pouvoir déjà avoir une chose enlevée sur ta liste de choses à faire. OK. Pas pire. Ensuite, un rituel va t'aider à gérer tes émotions. Donc, quelque chose... Je gère très bien mes émotions. Tu me diras pas quoi faire. Donc, les choses pour lesquelles tu es reconnaissante, quelque chose qui va t'amener de la joie, un peu comme sur le point précédent, ça te permet de faire quelque chose de bien et de te sentir bien à la place de devoir te préparer pour ce qui s'en vient de négatif. Le rituel matinal va t'aider à combiner les habitudes ensemble. Donc, peut-être un petit peu d'exercice. Peut-être un déjeuner santé. Peut-être un journal intime de choses pour lesquelles tu es reconnaissante. On a parlé un petit peu c'est de ça au point tout précédent. C'est ça, hein, quand tu te lèves pas à genre 5 heures le matin. Ouais, je sais. C'est pour ça que moi non plus, c'est pas le genre de choses que je ferais, mais bon. Tu sais, il y a plein de choses comme ça dans la vie là, où ils disent de s'entraîner tôt le matin. Je me lève déjà tôt, je me lèverai pas à 3h30 ben, c'est pour ça, m'entraîner. L'affaire. C'est ça l'affaire. Hey. Les animateurs d'émissions du matin qui commencent à 6h puis qui se lèvent à 3h, à 3h30, 4h du matin. Exact. Parce qu'ils s'entraînent, eux autres, à 3h30? Non. Pas sûr. Ils vont s'entraîner à 9h30. Ouais. Donc, c'est ça. Peut-être pour démarrer de nouvelles habitudes de vie, peut-être. Bon, ça pourrait être faire des étirements si tu veux pas t'entraîner. Ça pourrait être de la respiration profonde, des trucs qui pourraient être plus rapides que s'entraîner. Ça pourrait déjà être un bon point de départ pour un rituel matinal. Pas fou. Trois façons qu'on peut améliorer notre sens de l'odorat. Ah, d'accord. Ton sens de l'odorat, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. Il y en a qui perdent l'odorat avec peu importe qu'est-ce que c'est. Avec le temps. Ben, pas avec le temps, mais avec un événement qui peut arriver, qui peut enlever les. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais, il y a des gens pour qui ça fait. Genre, ça. Genre, tu sens plus. Ouais. Quelque chose, hein? Non. Ça arrive. Bref, on prend ça pour acquis. Oui, merci de nous le rappeler. Je sors mon café. Donc, si vous voulez améliorer la sensibilité de votre nez, il y a trois conseils utiles dans une vidéo de TED YouTube. C'est Alexandra Horowitz qui nous envoie ça. C'est une professeure associée adjointe au Barnard College qui nous explique que la science de l'odorat, la science de l'odorat et comment nos nez fonctionnent. Donc, elle partage des conseils utiles pour quelqu'un qui veut améliorer son odorat. Voici donc ce qu'on doit faire. Le premier, ça semble plutôt évident, de se rapprocher. Donc, si vous voulez vous améliorer, pour identifier les odeurs, vous devriez rapprocher l'odeur de votre nez ou votre nez de l'odeur. Donc, la chaleur de votre souffle va rendre les odeurs plus faciles à sentir. Faut que tu souffles sur quelque chose pour le sentir. Ben, pas nécessairement activement souffler, mais juste en étant plus près, ton souffle va quand même t'aider. OK. Donc, t'as pas à faire... dessus, c'est pas ça, c'est pas le principe. Ensuite, de prendre de grosses sniffs. Oui. Hein? Donc, le processus pour sentir, ça arrive dans le milieu, le pont de votre nez. Donc, vous devriez prendre un ou deux gros sniffs pour faire entrer plus de molécules d'odeur dans votre nez. Et ensuite, vous devriez rester sur l'odeur longtemps. Donc, quand on porte attention aux odeurs et qu'on essaie de les décrire, de les nommer et de situer la source de l'odeur, plus on a la chance de se rappeler de cette odeur-là plus tard. Donc voilà, rapprochez-vous, sniffez bien fort, portez attention et suivez votre nez. Sniff that. Ensuite, on nous suggère d'utiliser un séchoir à cheveux pour réparer une chandelle qui ne veut pas s'allumer. OK. Bon, des fois, quand une chandelle ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On la jette dans un autre. Ben ouais. Ouais, mais non. Si vous avez une tige de chandelle qui est enterrée dans la chandelle, vous devriez pas, vous n'avez pas besoin de prendre un couteau pour faire la chose. On devrait pas gratter avec un couteau. Vous ne devriez pas gratter avec un couteau. C'est une vidéo de la chaîne YouTube Ihao Home. Ben oui. C'est le fabricant de chandelle Jeffrey Shoemaker. C'est drôle parce que le gars s'appelle Shoemaker comme un fabricant de souliers, mais il fabrique des chandelles, je comprends pas. Donc, nous montre cette méthode intelligente pour trouver la tige dans une chandelle. Vous prenez donc un fusil à chaleur, là, comme on utilise pour la colle chaude, ou encore un séchoir à cheveux. Lui, il utilise un heat gun et on va réchauffer le dessus de la chandelle et puis on va verser la cire fondue dans une poubelle, dans une serviette de papier ou un autre contenant pour la garder pour plus tard, pour faire autre chose, peut-être d'autres chandelles. Et cette méthode-là s'assure que la cire de chandelle va se liquéfier de façon... Liquéfier, rendre liquide. Ouais. Bref, de façon égale tout autour de la surface pour vous aider à ne pas faire de dégâts. Donc, on va sécher par le dessus pour que le dessus de la chandelle reste droit. Et ça va faire fondre la cire. Et on va la mettre dans un contenant et on va pouvoir trouver la tige. Pas fou. Ça fait madame sa chastache comme ouais, truc, celui-là. Mais bon, des fois, on dirait que c'est trop d'effort. Ben c'est ça. Il y a beaucoup de variété dans mes conseils ici. Ouais. Ensuite, montrer votre sens de l'humour au travail peut vous faire avoir l'air plus compétent. Explication. Donc, les environnements professionnels ont l'air d'être pas mal le dernier endroit où on devrait essayer une joke, hein? Mais une étude récente nous suggère que les blagues peuvent vous donner plus de confiance et vous faire avoir l'air plus capable de faire votre travail, même si votre joke est un flop. Donc, c'est une étude publié dans le Journal of Personality and Social Psychology, qui a incorporé trois différentes expériences et qui suggère que montrer votre sens de l'humour avec des blagues appropriées, bien sûr, appropriées au travail, pas de blagues sur des attentats. Genre, pas écouter Assemblage requis, je pense. C'est ça. Genre, donc, Mathieu, arrête de faire des jokes sur Cédric. Va augmenter. C'est trop tôt. T'sais, on commence à pouvoir faire des jokes sur Cédric. On est un... On est un refuge pour ces choses-là, on n'en parle pas. Donc, ça va augmenter votre statut parmi vos collègues. Allison Wood Brooks, une des chefs de cette étude-là, partage quelques conseils donc, de ses expériences au Harvard Business Reviews. Donc, on lui dit pour commencer de ne pas avoir peur d'un flop. Les mauvaises blagues, si elles sont appropriées, donc pas un gag de Mathieu Plante, ne vont pas vous faire mal socialement et ne vont pas affecter comment les gens trouvent que vous êtes compétent. Okay. Ça pourrait même augmenter votre niveau de confiance envers eux. Deuxièmement, c'est presque toujours conseillé de dire une blague appropriée, comme on a dit. Donc, une blague bien exécutée va vous donner plus de confiance, va vous faire avoir l'air plus compétent et vous donner un meilleur statut. Un flop va seulement vous faire avoir l'air inapte. C'est ça? Ouais, mais si à la base, t'es pas comique, là... Ouais, c'est ça, il faut la construire à l'avance peut-être. Mais peut-être, oui, mais là... Peut-être, genre, vous créez une banque... Je ne construirais pas des jokes pour avoir l'air intelligent. Ouais, peut-être de travailler sur votre talent d'improvisateur, peut-être pour avoir l'air plus vite sur vos patins. Peut-être, je ok, ouais, peut-être, pas fou. Quelque chose. Donc, on dit de ne pas faire de blagues inappropriées avec un public qui n'est pas familier avec votre style d'humour. Même lorsque c'est bien exécuté, ça va pas être bien du tout. Voilà. Ensuite, continuons avec ne pas avoir peur d'être moyen... Si vous voulez être mémorable. Hein? Ouais, donc d'être moyen comme dans être tout à fait normal. Ouais. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu veux les impressionner, ça c'est clair. Ouais, c'est tout toi comme ça. Ouais, tout le temps. Donc tu voudrais peut-être focusser sur les choses sur lesquelles t'es meilleur peut-être. Ouais, tes donc, forces. Tes ouais. forces, c'est ça. Donc ici, on nous dit que lorsque t'es confortable dans le fait d'être moyen, tu ouais. peux augmenter tes chances d'impressionner quelqu'un. Donc c'est le site d'affaires qui s'appelle Inc. Il nous explique, oui. Oui, Inc., qui nous dit que c'est très rare d'être le meilleur à quelque dans un domaine, dans une place en particulier. Donc, si tu restes tout le temps, si tu veux tout le temps être le meilleur, tu vas ouais. probablement pas avoir l'air meilleur par comparaison. Ben, tu vas pogner ton trou à un moment donné. Peut-être, c'est ouais, c'est ça. Donc, ça nous dit ici que c'est comme si tu vas à un karaoké. Donc, tu vas probablement pas être le meilleur chanteur dans la pièce, dans un bar de karaoké, mais il y a personne qui est là pour entendre le meilleur chanteur. C'est correct d'être normal et moyen. Ok, je comprends. Tu comprends le genre de principe? Mais si tu vas au karaoké, il y a de fortes chances aussi que tu sois juste pas bon. Ouais, mais parmi les autres qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas bons, oui. tu vas avoir l'air normal. Ok. Donc, si tu dis dès le départ que tu vas être normal, tu vas pouvoir au moins avoir du plaisir et donner une bonne impression. OK, que t'arrives pas là pour impressionner. C'est ça. Alors que si tu ne te présentes pas au karaoké, tu laisseras jamais d'impression du tout. Donc, okay, t'es mieux ouais. de te présenter, d'avoir l'air normal. Parmi tous les autres, tu vas passer comme un aperçu. Tu vas, t'encourages tes amis, mais tu participes pas. Mais tu participes, parce que si tu participes pas, tu laisseras pas d'impression. Ouais, mais tu sais, chanter, c'est pas pour tout le monde. Non, non, c'est ça. Ensuite, on devrait se prendre 15 minutes par jour pour réussir à je dirais combler son système de finances, tiens. Voilà. Ah. Donc, si tu essaies de vraiment réussir tes finances dans la ouais. vie et que tu es intimidé par la montagne de travail, tu pourrais y aller une étape à la fois. OK. Okay? Donc, on devrait se commettre à avoir seulement 15 minutes à travailler sur ses finances par jour. Ça a pas l'air d'être grand-chose, un peu comme s'entraîner 15 minutes par jour. Ben, je pense que ça... 15 minutes. Ouais, non. Agir. OK. Ouais. On voit tout le temps à la télé dans les infopubs, genre « Entraînez-vous pendant seulement 15 minutes par jour. » On se dit ouais. « OK, ça va faire moins de la job que 2 heures par jour, mais ouais. au moins, c'est plus que rien pantoute. » C'est sûr. Hein? Donc, c'est une habitude quotidienne. Apprendre sur son argent, être plus confortable avec le sujet, lire des articles, par exemple. Oh, c'est pas, okay. pas obligé d'être en train de tasser de l'argent d'un compte à l'autre puis okay, de mettre ça en bourse. On y va 15 minutes pour apprendre sur le sujet. Ah, oh, okay? C'est bon d'abord, je rentre dans ma, voilà. dans ma ligne de temps. Donc, on apprend un petit peu sur la finance personnelle et ça va vous aider peut-être à garder vos buts financiers à l'avant de votre esprit. S'informer. S'informer, c'est selon okay. le site de finance personnelle Freedom is Groovy qui nous dit ça. Donc, ça dit de lire au moins un blog de finance personnelle, un blog post, là, un billet, ouais, ouais. Par jour ou une page dans un livre de finance personnelle pour finir par apprendre 15 minutes, c'est tout ce que vous avez à faire. Il y a des cours gratuits sur Internet aussi, donc il y a plein de façons de faire. Apprenez un peu. Voilà. Pas fou. Pas fou, pas en tout. Ensuite, on parle souvent, le mois de janvier va finir, les résolutions sont déjà finies, presque. Tout le monde a comme raté sa résolution. Non, non, à date, ça va bien. C'est quoi ta résolution? Est-ce que tu peux le dire en nom? Non. Non, OK. Vous devriez focusser sur une résolution par mois. pour en accomplir plus à la place de faire juste en janvier. C'est merveilleux parce que janvier, j'ai quand même bien fait ma résolution. Good. Là, je rentre en février, je fais le défi 28 jours. Pas d'alcool, hein? Ouais, c'est ça. Pour toi, ça serait assez facile. Là. C'est comme mon père qui me dit ouais, je vais participer avec toi. Il boit jamais. Ben, je l'ai fait. Pas mal au mois de janvier, genre, j'ai pas bu d'alcool, je pense. Ouais? Ouais. Non. Fait que là, on rentre dans un nouveau défi, mais faut que tu gardes celui de janvier. Ah, d'accord. Okay. Quoi? Tu continues. Ça va s'empiler un par-dessus l'autre. Exactement. Je comprends. Donc, c'est ça. On parle d'habitude et de résolution, hein, que ce soit une habitude que vous voulez changer, une habileté, quelque chose que vous voulez apprendre ou... Peu importe, chez Pucky Like, c'est l'écrivaine Joanna James Lynn qui discute donc de son but de compléter 12 projets en 12 mois. C'est pas obligé d'être 12 choses que vous avez jamais fait, ça peut être des choses que vous avez déjà fait, mais quand même. Donc si vous trouvez que c'est difficile de terminer les choses que vous avez démarré, ça peut être une bonne façon de compléter 12 projets que vous avez déjà entamés, par exemple des projets du passé que vous voudriez continuer pendant cette année. Persévérer là-dessus. Ça pourrait être dans le monde de la finance, encore une fois, ajuster son budget. Donc, ça pourrait être dans le même domaine qu'on vient juste de mentionner. Mm-hmm. Mais de vous rajouter un but à chaque mois. Voilà. Un mois à la fois. Pas fou, pas fou. Focuser sur finir une affaire à la place de jongler plein d'affaires en même temps. Donc, eux, ils conseillent de faire un mois, un défi, un autre mois, un autre défi, et non les empiler comme tu viens de dire. Ensuite, c'est une image qui nous montre de quoi le cancer du sein peut avoir l'air. Ah! Et c'est illustré avec des citrons, mais dans un emballage d'œuf. Oui, ok, je comprends. Ouais. J'ai vu cette publicité. T'as vu? C'est sur knowyourlemons.com. Donc, évidemment, on sait tous, je pense, la plupart des gens savent qu'on devrait aller voir un médecin si on remarque un changement dans notre poitrine, mm-hmm. que ce soit une bosse, une anomalie, peu importe. Les hommes peuvent avoir un cancer du sein aussi, on l'a déjà dit. Donc, le début d'un cancer du sein peut avoir l'air d'une bosse, mais ça peut aussi inclure un petit genre de creux dans la peau. Ça peut être des fuites de liquide mm-hmm. ou une indentation dans le sein. Hmm. Les seins viennent de toutes les formes, toutes les grandeurs et peuvent avoir des caractéristiques qui sont normales. En fait, certains gens peuvent avoir une tétine qui rentre par l'intérieur. Ça arrive, mm-hmm. c'est pas un stress à avoir là, pour certains. Donc, ça pourrait être une bonne idée quand même d'aller vérifier pour être certain. Bref, tout ça pour dire que l'American Cancer Society qui dit que on devrait être au courant de quoi nos seins ont l'air normalement. Et le citron, dont on parlait tout à l'heure, les citrons en fait, viennent d'une petite OSBL qui s'appelle Worldwide Breast Cancer. La fondatrice Corinne Beaumont cherchait une façon d'illustrer les symptômes du cancer du sein sans avoir à se fier sur des dessins. Donc, c'est avec du texte et avec des citrons. Et ça communique très bien la chose. Donc, sur la photo, on peut voir, touché à une masse épaisse, une bosse. Oui. T'as indentation, un genre de creux. Des boutons spéciaux, des boutons particuliers sur la peau. Des rougeurs, mm-hmm. chaleur. Liquide inhabituel ou que vous avez jamais vu avant. Dimpling, je sais pas comment je le traduirais, là, parce que c'est un peu la même chose que des boutons tantôt, mais une autre sorte de bouton. Bump, comme une bosse. Une veine. Qui est trop présente, on voit vraiment une veine. Ouais. T'as la tétine par en dedans, ouais. qui des fois peut être normale, mais des fois peut ne pas l'être. Nouvelle forme, donc votre sein prend une forme de poire, quelque chose genre. Oh, ok, ouais. T'as l'impression que ça grandit, mais non. C'est ça, ici, on voit un citron différent. On a pelure d'orange, comme dans mm-hmm. genre, ça commence à être un petit peu... bizarre. Comme pas des plaies, mais quelque chose... Quasiment. Un petit peu, ouais, c'est ça. Et sinon, t'as une bosse cachée, donc une bosse qui serait à l'intérieur, mais qu'on la feel... OK? Mais elle n'est pas visible de l'extérieur. Mm-hmm. Donc, tout ça, ce sont des conseils pour trouver votre potentiel cancer du sein. L'image est sur knowyourlemons.com, connaissezvoscitrons.com. J'aime l'idée d'illustrer les seins par des citrons parce que ça n'a pas du tout la même forme que non, le sein. Non, ouais. Ça peut être des pamplemousses. Mais... Ça n'est pas légal! C'est ça. T'essaieras de trouver des pamplemousses difformes. Il y en a qui sont des clémentines. Oh, tu peux pas juger comme ça. Non, absolument pas. Ensuite, tiens, est-ce que ça t'est déjà arrivé, probablement, j'imagine, en tant qu'étudiante pauvre à un moment donné, ou même récemment, de boire du café cheap? Ben oui! Ça arrive à tous. On essaye à un moment donné de d'économiser de l'argent quelque part. On se dit, ah, le café, non! Genre le café de la cafétéria. L'espresso de la cafétéria est pire au monde. Je sais pas ce qu'ils font, honnêtement. D'après moi, la personne qui est attitrée à faire le café... Elle a pas, a pas lu... Le dos, du sac. Avant, c'était du vanout à cafétéria, c'était tellement bon. Ouais, mais là. Not it anymore. Ça. Bref, selon Eater, on parle de café aux œufs. une façon de transformer... Oh, crime, ça t'a pris par surprise. Du café ou du zoo? Ouais, c'est une façon de changer le café qui est un petit peu âcre ou amer en un café très riche et onctueux avec un œuf. OK. Ça existe depuis très longtemps. En fait, on fait ça en mélangeant un œuf battu dans les grains de café. On fait bouillir le mélange et on laisse tout ça... pendant 10 minutes, se poigner, se calmer dedans. Pas besoin de passer ça au tamis ou rien. L'œuf et les grains vont faire un genre de mélange. Ils vont former quelque chose de consistant. Et ensuite, on va prendre une tasse d'eau froide. Une tasse de café d'eau froide, la grosseur d'une tasse de café. Et on va mélanger ça ensemble. Et le liquide va être poussé vers le fond de la carafe à café, ouais. C'est ça. Et ça va enlever le côté âcre dans votre cafetière. Pas votre cafetière, mais votre carafe à café. OK, est-ce que ça le rend un petit peu plus onctueux à cause c'est de ça? C'est ça, ça le rend plus onctueux, exactement. C'est l'idée derrière la chose. Donc, ça crée une tasse de café plus pâle, plus luxueuse, avec un côté riche et sans aucun côté amer ou âcre. Et on n'a pas besoin d'équipement additionnel. Donc, vous pouvez avoir votre café comme ça, n'importe où, avec du café cheap. Donc, la méthode pour le faire est illustrée sur assemblagerequis.com. Ça dit que lorsque les blancs d'œufs sont assujettis à des températures élevées, donc en les bouillant, leurs protéines se défont et ces nouvelles protéines, nouvellement séparées, donc vont s'accrocher à d'autres macromolécules qui sont présentes dans le liquide, comme les tannines dans le vin et d'autres impuretés qui peuvent causer le côté amer. Ah, ouais. Voilà. Donc, ça a l'air complexe, le dit comme ça, parce que je lisais le texte, mais allez voir sur assemblagerequis.com pour les instructions d'assemblage. Ensuite, bon, des buts à long terme, on a tous... On devrait les défaire en petites étapes individuelles pour réussir à se rendre. Un peu comme tantôt, on disait de 15 minutes par jour pour les finances. Donc, un but à long terme, des fois, ça peut être vague. On sait qu'on veut... C'est très vague. Ouais, on peut vouloir perdre du poids, on peut vouloir payer notre dette. Donc, si vous voulez vous rendre à ces buts-là... Toutes ces réponses. Toutes ces réponses, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec toi, donc, le directeur général de l'application de productivité Handle, Chris Gelsey, explique sur Medium.com. Donc, d'avoir un but, c'est comme décider de grimper au sommet d'une montagne. Tu sais que tu veux te rendre au sommet, mais c'est pas mal tout ce que t'as. Si tu veux te rendre au sommet, t'as besoin de buts spécifiques, d'étapes spécifiques. Step by step, ou bébé, gotta get two girls. Après avoir choisi son but, donc on doit choisir des étapes spécifiques sur la route. Donc, avant de commencer, c'est plus facile d'avoir un plan, nous dit-il. Donc, c'est tout ce qu'on va faire, de se faire un plan, un planning. C'est pas très compliqué comme conseil, mais quand même. Hein? Des étapes. Pas fou. Ensuite, quand on veut apprendre une nouvelle chose, une nouvelle aptitude, un nouveau, une nouvelle connaissance, donc on devrait y aller par 4 étapes de changement pour construire une nouvelle habitude. Donc, c'est ici sur qu'est-ce que c'était ici? Ça dit pas c'est de où, hein? Donc, on parle de ces étapes-là pour se faire un nouveau... d'apprendre quelque chose de nouveau, de façon plus facile, en commençant par la première étape, qui est la précontemplation. Donc, si t'as pas encore décidé quel changement tu veux faire, mais tu sais que tu veux faire quelque chose, t'es à l'étape de la précontemplation. Donc, tu devrais penser à l'habitude que tu devrais prendre ou reprendre, quelque chose que t'avais déjà par le passé, apprendre l'espagnol, je sais pas, peu importe. Ou quelque chose dans ta vie que tu voudrais améliorer. Donc ça, c'est l'étape de la pré-contemplation. Ensuite, la contemplation, on devrait commencer à penser à pourquoi on veut changer cette chose-là, pourquoi est-ce qu'on veut apprendre ça, et condenser ça en une phrase qui va te rappeler pourquoi tu le fais. Dans le fond, à chaque fois que tu vas commencer à abandonner, tu vas te dire cette phrase-là pour continuer. Tu peux aussi utiliser cette étape-là pour te récompenser lorsque tu établis ta nouvelle habitude. Ensuite, la préparation. Alors, on devrait se faire un petit plan, comme on a dit tantôt, pour commencer. On devrait y aller avec chaque grande étape et chaque petite étape entre les deux. Et aussi comprendre s'il y a des obstacles et passer par-dessus. Et finalement, l'étape action, c'est-à-dire lancer ton plan, démarrer une nouvelle habitude, mettre l'énergie là-dessus. Donc, tu as 4 étapes, pré-contemplation, contemplation, préparation et action. Et on devrait se dédier vraiment à plein, à fond, la caisse sur chaque étape avant de continuer à la prochaine. Pas fou, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, celui-là commence à être un petit peu redondant avec l'autre. On va y aller avec le prochain. Si tu échoues à... mettons que tu es en train d'arriver à ton but, puis que tu échoues, hein, Ben, c'est un échec envers toi-même, parce que la plupart des gens ne verront pas ce que tu as fait comme problème, donc tu devrais pas déprimer parce que tu penses que tout le monde va te juger. Tu comprends? Ouais, on dirait que tu as choisi celle-là spécifiquement pour moi. Ou moi, ou la plupart des gens, en fait. Je pense que tout le monde vit ça un moment ou un autre. Donc, c'est le site de finances personnelles Four Pillar Freedom qui nous raconte que plusieurs des échecs que tu as à l'intérieur de toi sont complètement invisibles aux autres. Donc, si tu appliques pour une centaine d'emplois, mais que tu réussis à avoir un seul emploi, la plupart des gens vont voir que tu as eu un emploi. Et c'est tout ce qu'ils vont voir. Hein? T'es le seul qui peut voir les centaines de rejets avant. Oui. Donc, t'aimes peut-être pas ça, mais personne les voit et personne va te juger pour ça. Hein? Non, mais toi, tu juges, par exemple. Oui, mais c'est ça qu'il faut arrêter de faire parce que les autres ne te voient pas. Tu peux pas t'étiqueter un échec alors que t'as gagné quelque chose ailleurs dans ton cheminement. T'as réussi à avoir au moins peut-être une entrevue. T'as peut-être réussi à avoir, je sais pas, ça pourrait être n'importe quoi. Donc c'est ça. Et évidemment, quand tu fais un échec en public, là, c'est plus difficile à cacher. Mais bon. Sois pas trop sévère envers toi-même. Mais non. Ensuite, est-ce que t'as déjà eu de la difficulté? C'est que ça, on change complètement, mais complètement de sujet. Là, okay. À verser quelque chose d'un contenant à un autre, mais quelque chose de visqueux. Tu mettons, je sais pas. Genre de la mélasse? De la mélasse, ça pourrait être de l'huile à moteur, ça pourrait être. Du miel. Du sirop d'érable, etc. Ouais. Tu peux utiliser, et là, évidemment, laver-le avant, utiliser un tournevis comme entonnoir. Tu me diras, ça n'a pas la forme d'un entonnoir. Ouais, du tout. Non, mais pas du tout. Ouais, ben si t'arrives pas à trouver ton entonnoir pour verser quelque chose de visqueux, un tournevis fonctionne très, très bien. C'est une vidéo du YouTuber Crazy Russian Hacker qui nous montre quelques façons vraiment futées et intelligentes d'utiliser le tournevis. Donc, si t'as à utiliser, si t'as deux contenants d'huile, mettons, mais que t'as pas d'entonnoir, tu mets le tournevis dans un des contenants et tu vas verser le liquide sur le bout du tournevis, donc sur le bâtonnet, comment t'appelles ça, et ça va vraiment suivre le tournevis et se rendre jusque dans le prochain contenant. Ça fonctionne super bien, plus le liquide est visqueux, plus il va avoir tendance à suivre le bâton. Donc, la tige du tournevis. Ah. Ça fonctionne aussi pour des liquides un petit peu moins visqueux comme l'eau, mais pas aussi bien. D'accord. Plus c'est visqueux, mieux ça fonctionne. Fait qu'achetez-vous un tournevis. Ben, j'espère qu'au moins les gens ont un tournevis à la maison. Même moi, j'ai des tournevis. Ouais. Même moi. Même toi. Et je pense qu'on va devoir arrêter là pour les instructions d'assemblage. D'après moi, on est tight, là, on est pas mal, pas pire. Donc, allez voir les liens sur assemblagerequis.com, note de l'émission 1058. Et c'est là-dessus qu'on termine ça pour aujourd'hui. Oui, Tania? Oui, bien, tout à l'heure, je vous parlais que le match Canada-États-Unis où nos Patriotes participent pour Team Canada était en onde à partir de 8h30. C'est déjà 2-0 pour le Canada. Ouais, 8h30 le matin. Oui. Incroyable. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à aucun de nos chroniqueurs qui étaient là aujourd'hui. Donc, merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi aussi, Mathieu Plante. Demain, on sera mardi et on aura notre émission Véronique Mire à 7h30 pour sa Véroniclopédie. Ensuite, à 8h30, David Ferron va être là pour la chronique du Zone Campus, lui qui passe en va-et-vient devant le studio 100 fois par émission. Mm-hmm. Enfin, il va pouvoir pénétrer à l'intérieur du studio demain. Je sais pas ce qui se passe. Il y a de l'action ce matin. Ah, c'est David. Faut pas trop poser de questions. Sur nos ondes aujourd'hui, évidemment, à 9h30, on a dit c'est Full Sex qui commence dans quelques instants. Ensuite, à 11h, notre refuge de toutes les actualités du moment qu'on essaie de s'éviter pour ne pas déprimer vont vous revenir en face à 11h avec la sortie de secours à votre gauche qui va parler d'attentats. Ils vont parler des vraies affaires. Des vraies affaires. Comme dirait si bien Gabriel Béhoud. À midi, ce sera Rock Classique, l'émission sur la culture rock avec Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon. À 20h, c'est Rock de Neuron avec du rock progressif. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. Tout est là. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Splash Face. Et on se retrouve demain à 6h30. Merci, Dan. Merci à toi aussi, Mathieu. Est-ce qu'on se fait avec une petite chanson, ça te tente? Ben oui, pourquoi pas. Une chanson musicale, le style, tu sais, avec des paroles puis de la musique. Genre San Diego 1988. Mettons un exemple, ce serait un bon exemple d'une chanson, en fait. Donc, ouais, mettons. À demain. Bye, bon café! follow the interstate. There's no reason to wait, no reason to wait. Slow.